Les Raf Simon sont toutes neuves. Check. La casquette est toute neuve. Check. C'est fini. Mais j'suis issu de la Zermie. J'traîne pas avec la vermine. J'comprends plus rien, faut les gens réglo. J'côtoie des renards comme Jean Reno. J'comprends plus rien, faut les gens réglo. J'suis dans l'espace, peu frais dans le vaisseau. Peu frais de ta gars du bled, ma gueule. Remballe tes manas direct, ma gueule. Marche avec ceux qui me connaissent, ma gueule. Mon acharnement bouffe le game, ma gueule. L'industrie tourne autour de mon sgueg, ma gueule. J'fais du bruit, j'arrache tout compète, ma gueule. Haute scène, dope game, monte scène, ma gueule. On s'en bat les couilles, tes conseils, ma gueule. On est là, attends que tu payes, ma gueule. Mon frère, prends ta vie si tu t'es payé, ma gueule. J'passe au-dessus de leur tête comme Emirates. Pack featuring comme ça, c'est direct. Actif en strédit dans le périmètre. T'as un clip pour double décimètre. Elle bouffe mes cacahuètes comme les menettes. Ça part en cacahuètes, ça dégénère. Évasion Habs, transfert cellulaire. J'suis souriant, des fois j'en ai plus l'air. La plupart du temps devant père et mère. Les rappeurs, j'les rends tous intérimaires. J'traîne pas avec la vermine. J'comprends plus rien, faut les gens réglo. J'côtoie des renards comme Jean Reno. J'comprends plus rien, faut les gens réglo. J'suis dans l'espace, peu froid dans le vaisseau. Terre, ça se bouge. J'suis plus air que limousine. J'fais des strikes comme si j'jouais au bowling. J'suis venu hacker le web comme Snoogie. J'ai rallumé la pièce comme une bougie. Et les trois quarts du game juste sous rougissent. N'hésite pas à fléchir et ça supplice. J'me suis masqué pour rester le même. Ma gueule, pas de freestyle et pas d'interview pourri. 92 créneaux pour se refaire, ma gueule. 92 réseaux pour tout fournir. Tu me dois le respect, t'éloignes pas trop gros respect. Ils sont pas morts dans le film mais morts dans l'extrait. J'éteins pas mon style sans faire exprès. Toujours aucun fou frappe comme un sensei. Regarde fermé dans ma tête, j'da hack qui m'impressionne. App comme un sensei. Qui soit là ou app, c'est la même, c'est traumatisation du rap, ce qu'on fait, c'est la compétition au Mac m'appelle sensei. CR7 virgule passe, frappe des benzé. Galactique comme le Real pour le 9B. J'suis issu de la Zermie. J'traîne pas avec la vermine. Faut les gens réglo. J'côtoie des renards comme Jean Reno. J'comprends plus rien, faut les gens réglo.